Sergi. T'aide demain soir, je te montre le chemin. Des fois que l'histoire nous unisse les deux mains, croyant bien faire, j'ai posé le tout sur les deux rails. Ma selle en fer ne tient pas sur le corail. Pour une histoire de vouloir accélérer, on ne profite plus des paysages de la journée. La nuit tombée, on ne voit plus dans les recoins. Pas facile de retomber les deux pieds sur le bon chemin. Croyant bien faire, j'ai mis le tout dans le sac à balle. Une fois ça dans le bac à tri, sur le trottoir toute une nuit, on ne me parle plus de déchetterie. Atteint le summum de la connerie, la connerie, la connerie. Pourtant, cette histoire, cette histoire, attends, cette histoire. Mine de crayon, c'est vrai que j'y tiens, vrai que j'y tiens, vrai que j'y tiens. Ce n'est pas que d'un soir, pas que d'un soir, pas que d'un soir, que tout fout le camp avec le train. J'ai cru bien faire, laisse enfiler tout le patrimoine. Je préfère laisser la coca là, mais cette histoire là c'est comme une drogue, il faut encore que je me fasse moi.